Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veillon. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'Alexandre Gagnon qui a impressionné la direction des Stampeders de Calgary lors d'un match hors concours contre les Lions de la Colombie-Britannique. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Alexandre Gagnon a mentionné qu'il a été très très content de sa performance. On va l'écouter là-dessus. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de terrain. Il y a eu un grand nombre de blessés en début de match, ce qui a fait changer un petit peu l'alignement dans chaque unité spéciale. Donc à partir du deuxième quart, j'étais pratiquement sur chaque unité spéciale. Puis en fin de match au quatrième quart, j'ai joué en défensive en plus. Donc je m'attendais vraiment pas à avoir autant de jeux que ça. Et en raison des blessures, ben Alexandre Gagnon mentionne qu'il a joué beaucoup lors de ce match. Toutes les recrues ont eu vraiment beaucoup de terrain. Je sais que BC, eux, ils ont utilisé les mêmes joueurs sur toutes les unités spéciales tout le long du match. Eux, ils se rodaient vraiment pour la saison. Tandis que nous, on a eu beaucoup de rotations à chaque position. Les coachs voulaient vraiment voir tout le monde. Ils nous ont mis vraiment partout pour que ce soit difficile. Ils voulaient vraiment voir comment qu'on allait réagir avec la fatigue, avec nos assignations, notre effort, tout ça. Mais oui, j'ai quand même été beaucoup utilisé personnellement. Alexandre Gagnon a mentionné qu'il s'attendait à jouer lors du prochain match qui aura lieu dimanche soir contre les Eskimos d'Edmonton. Parlons maintenant de deck hockey. Il y avait des matchs dans la Ligue de Saint-Prime de deck hockey. L'Intersport a défait les Old Panthers 7-6 et Détestable a défait les Vétérans 9-6. Pêcheur 13, Bonboy 4 et le Multiconcessionnaire a défait le Gion Tonic 7-4. Et au soccer maintenant dans la catégorie U16 féminin, gain de Robertval 6-0 sur Matabetchouan. U12 masculin d'Elboum Sessin a défait le Robertval United 5-2 et Metabetchouan a défait le FC de Saint-Félicien 5-0 et d'Elboum Sessin a gagné 2-0 sur Saint-Amboise. Et en terminant, on va parler de nage en eau libre. On sait qu'il aura lieu la 63e édition de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Ça aura lieu très très bientôt à Robertval le 29 juillet. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Jérémy Bonneau a mentionné que l'arrivée des combinaisons isothermiques va faire en sorte que ça risque de changer la compétition. Il risque d'avoir moins d'abandon. On sait que la traversée du lac Saint-Jean, historiquement, il y a beaucoup d'abandon en raison de l'eau froide. Et Jérémy Bonneau mentionne que cette nouvelle réglementation pourrait favoriser la compétition. Si l'eau est froide, là, tu élimines pratiquement le facteur qui est l'hypothermie avec une combinaison en néoprène. Si bien sûr, il y a combinaison, il y a, parce que tu sais, le règlement stipule qu'à partir de 18 degrés, il est optionnel, puis en haut de 20 degrés, la température de l'eau, il est interdit. Mais en venant le cas où est-ce que, bon, on aurait une traversée avec les combinaisons néoprènes, que l'eau oscille entre 16 et 17 degrés, c'est sûr que le facteur d'hypothermie n'est plus là. Est-ce qu'il va y avoir une différence sur le temps du nageur? Écoutez, je m'amuse à dire que le wetsuit, là, c'est pas un moteur de chaloupe non plus. Non. Mais nous, avec un lac de 6-7 pieds de vague, avec un vent de face, c'est pas vrai parce que le nageur a son wetsuit qu'en bout de ligne, il va retrancher 15 à 20 minutes de son temps. Au contraire. OK. Ça va être une traversée qui doit être quand même difficile. OK. Mais si on prend des conditions normales, c'est sûr, certain que les temps vont être un petit peu plus rapides qu'à l'habitude. Mais la traversée internationale du Lac-Saint-Jean fait en sorte qu'il y a beaucoup de nageurs qui tentent de s'inscrire. Année après année, on refuse des inscriptions. Et Jérémy Bonneau mentionne comment on fait pour, évidemment, prendre les nageurs lors de cette traversée. C'est là. Ben, écoutez, nos critères, c'est sûr qu'on est censé, bon, le but de la chose, là, cette année, on l'a, la parité hommes et femmes. Okay? On ne veut pas juste avoir des hommes, on ne veut pas juste avoir des femmes. On essaie d'avoir une place pour chacun des deux sexes. Ça, c'est bien important pour nous. On a 25 places. Donc, écoute, c'est sûr qu'on essaie d'avoir les 25 meilleurs sur tout le tas de CV qu'on reçoit. Okay. Est-ce qu'il y en a que ça fait des années qu'ils viennent à Robertval, hein, genre de Xavier Dernay, Damien Blum? Bon, c'est sûr, certains qu'on se dit, avec l'expérience, pour mener avec les années, tu t'acquiers des acquis. Mais écoute, je dois vous dire que même cette année, on a refusé des nageurs qui faisaient plusieurs années qu'ils venaient à Robertval. Pour la simple et unique raison qu'on essaie toujours d'avoir les 25 meilleurs nageurs au monde. Et cette année, on peut dire qu'on aura les 26 meilleurs nageurs au monde. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Tardy, qui était le capitaine des Nordiques en 1977, alors que les Nordiques ont remporté la Coupe AFCO. Et récemment, on a fêté cet anniversaire. Donc, Marc Tardy nous en parle. Également, je me suis entretenu aussi avec Stéphane Labeau de la finale de la Coupe cette année entre les Pingouins et les Prédateurs. Le cinquième match aura lieu ce soir à Pittsburgh. Également, vous pouvez écouter Jérémy Bonneau nous parler de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Le sport local et régional, à danradosport.com, on s'en occupe.